Oups. Merci beaucoup Jérémy, c'était vraiment très intéressant. Et si vous n'avez pas tout compris, sachez que l'émission est accessible en archive et que vous pouvez réécouter et réécouter les propositions de Jérémy avec peut-être un petit effet coupe-souffle. Ouais, il y a des plugins comme ça qui sont téléchargeables sur Internet pour enlever les bruits de fond. C'est pour mieux entendre le vent. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout de suite, on va... Oui, parce qu'en fait, juste pour la petite histoire, c'est-à-dire que moi, ce matin, j'ai oublié mon ordinateur avec tous les sons. Du coup, on a dû effectuer comme ça un changement d'équipe technique. C'est pas sympa. Du coup, c'est Antoine aux manettes. Je suis encore en train de former mon stagiaire sur le tas. C'est un apprentissage en alternance. Oui.